Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Près de 1000 milliards de photos sont prises chaque année dans le monde par des amateurs. Un chiffre en plein essor du fait de la multiplication des smartphones. Tout à l'heure, à la fin de cette émission, Franck Ferrand reviendra sur les balbutiements de la photographie amateur et sur les premiers appareils photo portables. En attendant, c'est dans les années 1950 que nous allons nous immerger. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Mais vous avez des chiffres, vous, pour commencer cette émission. 1000 milliards, alors c'est pas de 1000 sabords, c'est 1000 milliards de photos. Ça paraît complètement fou. Le catch, l'abbé Pierre, la déesse Citroën, les Martiens, le steak frites, le poujadisme, les studios Harcourt, le Tour de France, les feuilletons radiophoniques et Minou Drouet, voilà quelques-uns des marqueurs de la France des années 50, tels que l'a dépeint Roland Barthes dans ses célèbres mythologies. Eh bien, nous allons, si vous le voulez bien, replonger avec délice dans cette atmosphère, on va dire un peu à la Simenon. Oui, et vous avez intitulé cette émission « La France de René Coty ». En effet, nous allons revenir forcément sur le contexte sociopolitique de l'époque, la guerre d'Algérie, la signature du traité de Rome, l'instabilité gouvernementale. Et pour nous servir de guide, j'ai prié Guillaume Perrault de nous rejoindre. Il est journaliste au Figaro, grand spécialiste de nos présidents de la République. Europe 1, on disait alors Europe numéro 1, étant né en 1955. Je vous promets aussi quelques perles de nos archives. Vous allez voir, il y en aura même un certain nombre. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les années 50 nous fascinent par leur glamour d'abord. C'est l'époque des beaux chapeaux et des jupes virevoltantes, des vraies stars qu'on voyait en ciné-color sur l'écran des cinémas de quartier. Ici Brigitte Bardot, là-bas Ava Gardner. Et puis c'est l'époque des grands romanciers, Hemingway, Romain Gary, Joseph Kessel, des cocktails exotiques, des voitures chromées, des Vespas et des cheveux gominés pour aller danser le rock'n'roll à Saint-Germain-des-Prés. C'est l'époque de Gréco, de Mouloudji, des compagnons de la chanson, de Brassens et de ses amoureux, vous savez, qui se bécotent. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, Ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Europe 1, au cœur de l'histoire. 14h-15h, Franck Ferrand. Elle nous fascine, ces années 50, par leur exotisme aussi. C'est l'époque de la guerre froide, version Le Carré ou Hitchcock. Celle en France des guerres coloniales, l'Indochine d'abord et puis l'Algérie. Le temps devenu folklorique des cabinets renversés de la 4e République, des combinaisons de messieurs Cueil ou Pleven, de la signature du traité de Rome. Le temps aussi des grandes affaires judiciaires, l'affaire du Buisson, l'affaire Dominici, des accusés que défendent des ténors du barreau comme Floriot. Isorni. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs si l'on a choisi pour cadre de l'adaptation des Maigret de Simenon à la télévision, vous savez, cette France des années 50. Car si ces années nous fascinent, on éprouve évidemment beaucoup de nostalgie pour tout ça, c'est peut-être aussi par leur charme discret, par les douceurs provinciales, par le calme étonnant pour notre époque agitée et surinformée de cette époque. Le tumulte du monde était encore assez loin. La télévision faisait tout juste son apparition dans les foyers les plus privilégiés. La radio sélectionnait les nouvelles et diffusait les meilleures, entre deux feuilletons familiaux et des réclames amusantes. « Dop, dop, dop » chantait Mado Robin. Cette décennie nous fascine aussi par sa prospérité économique. On était alors en pleine reconstruction, dans ce cœur des Trente Glorieuses, selon l'expression de Jean Fourastier, en période de forte croissance et de plein emploi. La société encore traditionnelle s'ouvrait à la modernité, les réfrigérateurs et les machines à laver faisaient leur entrée dans les cuisines, les bureaux s'équipaient de toutes sortes de nouveautés, notamment les stylos à billes par exemple. Et puis, évidemment, on s'amusait, on riait. Moi, je me rappelle, lorsque j'interviewais des personnes qui avaient travaillé dans les années 50, ça a été mon métier à une époque, on me racontait qu'on riait beaucoup, on se faisait des farces, des canulars, etc. Robert Lamoureux, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Jean Poiret, Jacques Baudouin croquaient les travers de nos compatriotes. Et dans ce monde en pleine mutation, avec encore un pied dans le 19e siècle et l'autre en direction du 21e, dans ce monde où les dernières voitures à cheval croisent les premiers hélicoptères, ce monde qui rêve de soucoupes volantes mais reste cramponné aux opérettes à grand spectacle, un observateur, analyste, essayiste, sémiologue, comme il se définit lui-même, c'est-à-dire spécialiste des signes, un observateur promène son regard aigu, affûté. Il s'appelle Roland Barthes, il est pétri des préventions de son milieu, celui des intellectuels parisiens, celui de la gauche du quartier latin, des préventions envers un univers petit bourgeois qu'il déteste, mais qu'il ne cesse de scruter avec une sorte de fascination lui-même. Et pendant plusieurs années, de 1954 à 1956, il va publier le résultat de ses cogitations sur la France des années 50, dans le Nouvel Observateur, dans la revue Esprit et surtout dans les Lettres Nouvelles. 54-56, entre parenthèses, on est bien à l'époque de la naissance d'Europe 1. On est dans ce bouillonnement social, économique, politique qui préside à l'avènement d'un univers que nous connaissons bien, puisque c'est le nôtre. Tourisme, publicité, striptease, spectacle de tous ordres, les mythologies de Roland Barthes sont un peu la radiographie de la France de René Coty. Le premier grand mythe qu'il analyse, c'est le catch à la frontière du sport et du spectacle populaire. Ce catch qui est, on peut dire à l'époque, l'un des grands divertissements populaires. Voici ce qu'écrit Roland Barthes à propos du catch et des catcheurs. C'est donc, écrit-il, le corps du catcheur qui est la première clé du combat. Je sais dès le début que tous les actes de Thauvin, Thauvin est un des grands champions du ring de l'époque, ses trahisons, ses cruautés et ses lâchetés ne décevront pas la première image qu'il me donne de l'ignoble. Je peux me reposer sur lui d'accomplir intelligemment et jusqu'au bout tous les gestes d'une certaine bassesse informe et de remplir ainsi à plein bord l'image du salaud le plus répugnant qui soit, le salaud pieuvre. Les catcheurs ont un physique aussi péremptoire que les personnages de la comédie italienne qui affichent par avance dans leurs costumes et leurs attitudes le contenu futur de leur rôle. De même que Pantalon ne peut jamais être qu'un cocu ridicule, Arlequin un valet astucieux et le docteur un pédant imbécile, de même Thauvin ne sera jamais que le traître ignoble, Reynière grand blond au corps mou et aux cheveux flous, l'image troublante de la passivité, Mazot petit coq arrogant, celle de la fatuité grotesque, et Orsano Zazou féminisé apparu dès l'abord dans une robe de chambre bleue et rose, celle doublement piquante d'une salope vindicative, dit-il. Voici ce qu'au micro de Jacques Forestier en janvier 1956 on pouvait entendre à propos du catch. Jacques Forestier nous présente deux catcheurs complètement différents en termes physiques justement, puisqu'il y a d'un côté Valois 1m92 et de l'autre Sky Solo 1m24. Mais dites-moi Franck Valois, vous êtes champion du monde toute catégorie, et quelle est votre taille? Moi je fais 1m92 et je pèse environ 112-113 kilos. Oui, vous voyez mes amis qu'il vaut mieux ne pas avoir affaire à Franck Valois, c'est tout de même un monsieur qui sait se faire respecter. Mais vous nous avez amené aujourd'hui une des autres vedettes de cette réunion, c'est un de vos compatriotes je crois puisque vous êtes né à Montréal, c'est Monsieur Sky Lolo. Monsieur Sky Lolo, quelle est votre taille? Moi, je mesure 1m24, je pèse 42 kilos. Eh bien, écoutez, vous êtes surpris certainement, oui, car ce soir au Palais des Sports, il y aura pour la première fois un match de catch qui oppose des catcheurs de la catégorie midget, c'est-à-dire des hommes les plus petits qui fassent du catch, et Monsieur Sky Lolo est l'un d'entre eux. Monsieur Sky Lolo, on pourrait parler comme ça aussi, nous, avec un air un peu années 50. Eh bien, à l'époque où Barthes racontait le catch et nous parlait de la foule qui se précipitait dans les salles de catch, Edith Piaf, elle, la chantait, cette foule. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. On écoute Edith Piaf sur Europe 1 avec La Foule. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et Franck Ferrand continue sa plongée dans les années 50 et attend d'ailleurs vos réactions, vos témoignages, hein, si cela vous rappelle des souvenirs, mais oui, sur mais la oui. page Facebook de l'émission, le compte Twitter de Franck Ferrand ou encore sur europe1.fr. Alors parmi toutes les gloires des années 50 en France, on pourrait en citer un certain nombre, on va le faire d'ailleurs avec Guillaume Perrault dans un instant. J'ai cité quelques noms déjà, mais il y en a un qu'on ne peut pas oublier, c'est évidemment l'abbé Pierre. Je cite à nouveau Roland Barthes. « Le mythe de l'abbé Pierre, dit-il, dispose d'un atout précieux, la tête. De l'abbé. C'est une belle tête qui présente clairement tous les signes de l'apostolat, le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la canadienne du prêtre ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la modernité. La coupe de cheveux, par exemple, insiste Roland Barthes, à moitié rase, sans apprêt et surtout sans forme, prétend certainement accomplir une coiffure entièrement abstraite de l'art et même de la technique, une sorte d'état zéro de la coupe. Il faut bien se faire couper les cheveux, mais que cette opération nécessaire n'implique au moins aucun mode particulier d'existence, qu'elle soit sans pourtant être quelque chose. La coupe de l'abbé Pierre, conçue visiblement pour atteindre un équilibre neutre entre le cheveu court, convention indispensable pour ne pas se faire remarquer, et le cheveu négligé, état propre à manifester le mépris des autres conventions, rejoint ainsi l'archétype capillaire de la sainteté. Il y a bien que Barthes pour parler d'archétype capillaire de la sainteté. Le saint est avant tout un être sans contexte formel. L'idée de mode est antipathique à l'idée de sainteté. Ce qui m'a toujours bluffé dans ces mythologies sorties tout droit de la France de René Coty, c'est leur étonnante modernité. Vous savez, un petit peu comme ces immeubles de l'époque, immeubles d'avant-garde avec piliers de béton, façades ou ascenseurs de verre, qui sont allés très loin dans l'esthétique contemporaine, industrialiste, au point de trancher forcément et de façon très nette sur tout ce qu'il y avait autour. Les boutiques de village à rideaux de franges en plastique, épicerie, tabac, charcuterie, les vieux autobus rescapés de l'avant-guerre, les quatre chevaux pétaradantes et cette luminosité faiblarde des ampoules qui pendent au plafond, vous savez. Tout ça passe au second plan parce qu'en vérité, je vais vous dire ce qui se passe dans cette France de René Coty, c'est qu'elle est heureuse. Les Français rigolent, si vous me passez l'expression. Ils ont le ventre plein, ils ont érigé le steak frites au rang d'emblème d'une euphorie bien nourrie. Et il en parle, bien entendu, Barthes, de ce steak frites. Vous pouvez lui faire confiance. Le beefsteak, écrit-il, participe à la même mythologie sanguine que le vin, c'est le cœur de la viande, c'est la viande à l'état pur et quiconque en prend s'assimile la force taurine. De toute évidence, le prestige du beefsteak tient à sa quasi-crudité, le sang y est visible, naturel, dense, compact et sécable à la fois. On imagine bien l'ambroisie antique sous cette espèce de matière lourde qui diminue sous la dent de façon à bien faire sentir dans le même temps sa force d'origine et sa plasticité à s'épancher dans le sang même de l'homme. De plus, nous dit Roland Barthes, ce beefsteak est un bien français. Comme pour le vin, pas de contrainte alimentaire qui ne fasse rêver le français de beefsteak. À peine à l'étranger, la nostalgie s'en déclare. Le beefsteak est ici paré d'une vertu supplémentaire d'élégance, car dans la complication apparente des cuisines exotiques, c'est une nourriture qui joint, pense-t-on, la succulence à la simplicité. Alors évidemment, le beefsteak ne peut pas aller sans les frites, et ça Roland Barthes l'a bien noté. Associé communément aux frites, nous dit-il, le beefsteak leur transmet son lustre national. La frite est nostalgique et patriote comme le beefsteak. Match nous a appris qu'après l'armistice indochinois, le général de Castres, pour son premier repas, demanda des pommes de terre frites. Et le président des anciens combattants d'Indochine, commentant plus tard cette information, ajoutait « On n'a pas toujours compris le geste du général de Castres demandant pour son premier repas des pommes de terre frites. » Et là, Barthes commente. Ce que l'on nous demandait de comprendre, c'est que l'appel du général n'était certes pas un vulgaire réflexe matérialiste, mais un épisode rituel d'approbation de l'ethnie française retrouvée. Le général connaissait bien notre symbolique nationale. Il savait que la frite est le signe alimentaire de la francité. Il y a quelque chose donc de patriote dans le beefsteak, nous dit Roland Barthes. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a quelque chose d'euphorique aussi. Cette euphorie traverse aussi la grande consommation culturelle, écrit Jean-Pierre Rioux dans Au bonheur de la France. C'était un livre qui était paru chez Perrin il y a quelques années. Quoi qu'en laissent penser les rudes assauts idéologiques qui excitent alors les intellectuels avant de les opposer front contre front tout au long de cette guerre froide, la culture de masse prend des formes sur fond d'optimisme régénérateur et accompagne tous ces Français qui ont repris de la verdeur et se requinquent sur le pouce en se gavant de variété. Sur les ondes de la radio, au coin des rues, où les derniers vendeurs de feuilles volantes font fredonner en chœur chez les chansonniers du grenier de Montmartre au Music Hall avec les frères Jacques, dans les bals de campagne ou les caves de Saint-Germain-des-Prés, l'heure n'est franchement plus à l'amorosité ou au doute. On chante dans mon quartier, le spectacle radiophonique monté par Jean-Jacques Vital et surnommé Ploum Ploum Tralala par les auditeurs ravis, révèle entre autres Bourville et sa vendeuse de cartes postales. Les orchestres de Jacques Elian ou Ray Ventura multiplient les 78 tours endiablés. La lutte jazz contre musette bat son plein. Luis Mariano inaugure sa gloire dans la Belle de Cadix. Et en décembre, Tino Rossi se lance avec son inusable petit Papa Noël, Dead Rizer dans le rôle du père de la famille du raton, Jean Noin en éternel Jaboun, en lassant sa reine d'un jour, Yves Degnaud en lampiste pour Tribunaux Comiques et Saint Granier puis Zappy Max animant le crochet radiophonique, rivalise de sourires Colgate qui réconforte. Et bien entendu, il était là avant, il sera là après. Charles Trenet chante, chante, chante. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7. Route des vacances, qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7, on est heureux, National 7, on est heureux, National 7. C'était Charles Trenet sur Europe 1, National 7, en titre de 1955. Et oui, alors National 7 s'est sorti vraiment quelques semaines, quelques mois après la naissance d'Europe 1. Pour achever notre promenade apéritive, en tout cas préliminaire, dans cette France de René Coty, j'aimerais faire renaître une figure bien oubliée, celle de Minou Drouet. Vous savez, cette petite fille de 10 ans devenue célèbre du jour au lendemain pour avoir écrit des vers étonnants. Cet enfant poète qui interpella la société des années 50 comme une sorte de sulfureux prodige. Pendant longtemps, on s'est demandait si c'était bien elle ou si ce n'était pas elle qui avait écrit ces poèmes que les uns admiraient et que les autres ridiculisaient. Voici ce qu'en dit Roland Barthes, je vous dis, il n'est passé à côté d'aucun des phénomènes de son temps. Quelques classiques attardés, écrit Barthes, hostiles par tradition à la poésie désordre, condamnent Minou Drouet de toute façon. Si sa poésie est authentique, c'est la poésie d'une enfant, elle est donc suspecte n'étant pas raisonnable. Et si c'est la poésie d'un adulte, alors il la condamne parce qu'elle est fausse. Plus proche de notre temps, tout fier d'accéder à la poésie rationnelle, un groupe de néophytes vénérables s'émerveille de découvrir en 1955 le pouvoir poétique de l'enfance, crie au miracle pour un fait littéraire banal connu depuis longtemps. D'autres, enfin, les anciens militants de la poésie enfance, ceux qui ont été à la pointe du mythe lorsqu'il était d'avant-garde, portent sur la poésie de Minou Drouet un regard sceptique, lassé par le lourd souvenir d'une campagne héroïque, d'une science que rien ne peut plus intimider. C'est Jean Cocteau qui a écrit « Tous les enfants de 9 ans ont du génie, sauf Minou Drouet ». Le quatrième âge, celui des poètes d'aujourd'hui, semble n'avoir pas été consulté. Peu connus du grand public, on a pensé que leur jugement n'aurait aucune valeur démonstrative, dans la mesure même où ils ne représentent aucun mythe. Je doute d'ailleurs qu'ils reconnaissent quoi que ce soit d'eux-mêmes dans la poésie de Minou Drouet. Eh bien, cette toute jeune poétesse qui a fait paraître son témoignage sur cette affaire il y a 20 ans, je vous propose de l'écouter. C'est encore une archive Europe 1. Voici la voix de Minou Drouet. Quelle impression t'as fait le pape? Il t'a pas fait peur? Non. Non, il a été gentil avec toi? Oui, il a été très gentil. Et qu'est-ce que vous êtes dit tous les deux? Il m'a demandé mes poèmes que je lui envoie, mon dernier livre. Oui? Parce qu'il ne l'avait pas vu encore? Non, il ne l'avait pas vu. Et vous avez parlé en quelle langue? En français ou en italien? En français. J'aimerais bien quand même que tu nous dises quelques vers d'un poème que tu as fait récemment. Oui, je sais. Fenêtres brodées de festons comme de lierre, échaussées de lunettes comme de nez, toits rochers de volants gouffrés comme des manches, rochers tourmentés comme des âmes, collines creusant les reins comme des fauves, voici symphonie, mythe majeur, pastel et or. C'est un très beau poème et je crois qu'on ne le connaît pas encore à Paris. Alors là-bas, on serait très content de l'entendre. Merci. C'était donc Minou Drouet au micro de Robert Pilotti, notre confrère d'Europe 1 de l'époque. Minou Drouet qui donc venait de rencontrer le pape Jean XXIII le matin même et qui revenait évidemment sur cette rencontre et sur l'échange qu'elle avait eu avec le Saint-Père. Vous voyez à quel point elles sont foisonnantes ces années 50 et si elles ont pour toile de fond cette société euphorique d'une France qui a retrouvé le moral et qui n'a plus faim tout simplement, on peut dire aussi qu'elles sont complexes et qu'elle nous pose un certain nombre de questions à nous. Finalement, cette société des années 50 préfigurait largement la nôtre et c'est elle que nous allons essayer d'analyser, que nous allons essayer d'étudier en compagnie de Guillaume Perrault. Bonjour Guillaume. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. On a appelé ça la France de René Coty. Pour être tout à fait exact, il aurait fallu dire la France de Vincent Auriol et René Coty, mais ça n'est déjà plus tout à fait la même. Il y a une inflexion vers le milieu des années 50 en réalité. Hein. En effet, puisque les tickets de rationnement sont supprimés, les derniers en 49. Mmh. Et donc c'est tout à fait significatif, dès qu'on entre dans la décennie 50, eh bien la France de nouveau mange à sa faim. Et comme le souvenir des privations et de la peur de la guerre qu'on a éprouvé pendant la guerre, ces souvenirs sont encore très présents, il y a un sentiment d'optimisme qui est très important. C'est vraiment, je crois, un des mots qui caractérise les années 50. L'optimisme. On a confiance dans l'avenir. Eh bien, cet optimisme, nous allons essayer de vous le faire partager dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la France des années 50, cet après-midi, de la France de René Coty, avec vous Franck Ferrand et votre invité, Guillaume Perrault, journaliste au Figaro, maître de conférences à Sciences Po. Quelle est l'atmosphère de cette France des années 50? J'ai dit qu'on sifflait, on chantait, on est joyeux, certes, mais en même temps, tout file droit. Hein. C'est une atmosphère assez, oui, assez rigoureuse. C'est un univers ordonné. Voilà, c'est ça. Voilà. Où chacun est à sa place, où à l'école, les garçons sont en blouse, une blouse grise, et les filles, en blouse également, mais la couleur est différente, une blouse beige, où à l'école on apprend les 60 dates clés de l'histoire de France, de Vercingétorix jusqu'au traité de Versailles, la liste naturellement des départements, les fleuves, et où par ailleurs le certificat d'études que vous évoquiez hier, Franck, est encore redouté et est encore passé avec beaucoup de sérieux par les élèves, puisque 5 fautes à la dictée et vous aviez un 0 éliminatoire. On est encore dans l'état d'esprit qui avait été celui du début du XXe siècle, hein, quand même, une certaine rigueur morale, on va absolument, dire. Absolument, hein. Vous savez, il y a un phénomène de génération, c'est-à-dire que les maîtres, les instituteurs, les enseignants, les hommes politiques qui donnent le ton sont des gens qui ont vécu les deux guerres mondiales. Et voilà, c'est ça. Et qui, pour certains, ce sont eux qui sont en commande encore. Absolument, hein. Et pour la plupart d'entre eux, ils ont eu 20 ans avant la guerre de 14. Comme René Coty que nous évoquons aujourd'hui. Donc, il y a d'abord un sentiment de confiance en soi. Ce sont des gens qui ne doutent pas vraiment du bon droit de la France, de façon générale. Ils sont confrontés à des difficultés, malgré tout, puisque la décolonisation commence avec la guerre d'Indochine. Mais il y a une assurance envers l'avenir. Je voudrais insister sur, vous me demandiez, Franck, de caractériser cette société. C'est aussi une société qui reste frugale. Voilà, oui. C'est-à-dire que, certes, il y a le niveau de vie commence à monter. Certes, le steak frite est en train de débarquer, voilà, mais c'est pas encore les années 60. Voilà, c'est-à-dire qu'on finit ses plats à l'école au déjeuner. C'est hors de question qu'un surveillant, lorsqu'il voit un élève ne pas finir son plat, ne le sermonne pas en lui disant comment tes parents ont souffert pendant la guerre et toi tu laisses ce plat. Oui, bien sûr, c'est inconcevable. On finit ses plats. Il y a eu l'époque où Pierre Manès-France faisait distribuer du lait dans les écoles aussi. Absolument. Hein, en 54-55, on dit d'ailleurs que c'était un des motifs de sa chute parce qu'il a eu un groupe de pression contre lui, c'est-à-dire les agriculteurs qui produisaient le vin contre lequel il était parti en guerre. Et voilà, il y a un ensemble de traits qui montrent que cette société encore traditionnelle reste très prudente, attachée à l'épargne. Par exemple, vous savez, le réfrigérateur est encore un objet de luxe en 54-55. Oui, oui. Quelques foyers seulement. Un Français sur 10, même pas, en dispose. Oui. Le téléphone est encore un objet de luxe. L'automobile, en 55, il y a un Français sur 5, qui en a un. C'est l'époque où il y a une publicité qui défraie la chronique, c'est Citroën qui fait la publicité de la 2 chevaux. Ah, si je pouvais avoir une 2 chevaux. Oui. Donc, on est encore très prudent. On vit infiniment mieux que pendant l'occupation, naturellement, que pendant les années de l'immédiate après-guerre. Mais c'est le tout début, la transformation des mœurs ne fait que commencer, la transformation sociale ne fait que commencer. C'est pas encore du tout une société de loisirs. On va danser le samedi soir, on sort au catch, enfin, etc. Il y a beaucoup de divertissements, mais c'est pas encore une société de loisirs. On travaille énormément. Il y a encore que les 2 semaines de congés payés. Et on passe à 3 semaines en 56, lorsque le gouvernement du socialiste Guy Mollet accorde cette 3e semaine de congés payés. Mais jusqu'en 56, les salariés n'ont que 2 semaines de congés payés et non 5 comme aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut aussi pondérer l'image d'une société de loisirs. Par ailleurs, un chiffre pour Paris. Si on prend un quartier du Vieux Paris dans le 2e arrondissement, eh bien, au début des années 50, la majorité des logements n'ont pas de toilettes individuelles. C'est fondamental. Ça, c'est tout à fait essentiel. Les toilettes sur le palier ou les toilettes dans la cour, pour beaucoup de Français, c'est ce qu'ils vivent à l'époque. Et puis, il y a un drame intime dans un nombre incalculable de familles. C'est tout le problème de la contraception. À l'époque, on essaie, dans l'illégalité la plus totale, parfois de faire passer les enfants. Enfin là, ça marque énormément de familles et de foyers, cette affaire. Absolument. La loi à l'époque, c'est la loi de 1920 qui a été adoptée après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale et qui veut promouvoir la natalité à tout prix. Donc la loi interdit l'avortement. Ça, c'est même pas, on n'ose même pas en discuter de l'avortement. Mais simplement la contraception, à l'époque on parle de propagande en faveur de la contraception, c'est interdit. Et il y a des frémissements qui viennent des États-Unis. Dans les années 50, en particulier une gynécologue qui prononce une communication à l'Institut de France en 55. Et en 56, Evelyne Sullerot, une sociologue, contourne la loi avec l'aide d'avocats. Elle est bien conseillée par des juristes qui lui disent « Écoutez, si vous créez une association qui milite ouvertement pour la contraception, vous tomberez sous le coup de la loi et vous risquez des poursuites en correctionnel. » Donc, soyez habiles et appelez ça la maternité heureuse. Et voilà. Et comme ça, vous ménagez la sensibilité dominante de votre époque, et c'est ce qu'elle a fait, et c'est comme ça qu'a été créé ce qui deviendra plus tard le planning familial. Il y a quelques ouvertures, hein, comme ça, évidemment, en matière de mœurs, celle qui symbolise, qui incarne à elle toute seule le relâchement des mœurs, c'est Brigitte Bardot, bien entendu. Alors là, c'est un pays entier qui a les yeux rivés sur bébé. Hein, voilà, je dirais qu'en 56, il y a trois événements mondiaux. Il y a l'écrasement de la rébellion de Budapest par les Soviétiques, les chars, oui. Il y a l'expédition franco-britannique de Suez. À Suez, et puis il y a « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot, qui est un coup de tonnerre à lui tout seul. Le fameux film de Vadim qui va lancer deux mythes, celui de Brigitte Bardot et celui de Saint-Tropez aussi. C'est... Alors, sûr, oui. Détail amusant, lorsque le film sort en 56, il est assez peu remarqué en France. Et ensuite, Vadim s'échine à obtenir qu'il soit projeté aux États-Unis, qui sont beaucoup plus puritains encore que la France à l'époque. Et en 57, aux États-Unis, c'est un scandale. Il y a un parfum vraiment de provocation qui est attaché à ce film. Et là, il revient en France. Et là, avec le brevet du succès aux États-Unis, il devient un phénomène de société en France. Alors, le cinéma est le grand loisir de cette époque. Un élément important du paysage, si je puis dire, pas de grande distribution. Donc ça, il faut se remettre dans l'état d'esprit. Hein. Ça change tout, si je puis dire. Beaucoup de petits commerces partout, à longueur de rue. En absolument. Fait. Plusieurs millions de petits commerçants qui ont une fierté d'être petits commerçants. Et rappelons que Gambetta, après tout, son père était épicier à Cahors. Oui. Et donc, dans les années 50, ils n'ont plus la cote. C'est-à-dire que, aux yeux... des experts, des hauts fonctionnaires, des journalistes de l'Express, eh bien, ils passent pour un peu ringards, disons-le. Souvent, ils entendent qu'ils sont un peu condamnés par l'évolution de la société moderne, de l'économie. Mais eux prennent très mal ces critiques. Ils se rebellent en particulier contre les contrôles fiscaux. Et il y a un personnage qui va avoir un succès incroyable dans ces années-là, qui s'appelle Pierre Poujade, oui, qui était papetier dans le Lot à Saint-Céré et qui va lancer une espèce de jacquerie contre... Une sorte de défense des petits commerçants. Oui, absolument, absolument. Il va avoir des centaines de millions, de milliers, pardon, d'adhérents dans son union de défense des commerçants et artisans. C'est un homme qui va remplir des stades entiers et qui va déposer des listes de candidats aux élections législatives de 56. Il fait un peu trembler la République comme Boulanger l'avait fait 60 ans plus tôt. Il veut pas. Oui, alors, il a un slogan. C'est un vote de coup de gueule. Pas très positif. Puisque la seule revendication concrète qu'il ait, c'est convoquer des états généraux. Ça fait plaisir, mais c'est un peu flou. Par contre, il a un slogan qui fait mouche, sortez les sortants. C'est lui qui invente cette formule, sortez les sortants. Après, elle est devenue inusable. Et en 56, à la surprise générale, il obtient plus de 11% des voix à l'Assemblée nationale. Et ce Pierre Poujade, le fondateur du poujadisme, il est vraiment la bête noire de Roland Barthes, qui en parle, mais presque toutes les trois pages de ses mythologies. C'est comme si pour Roland Barthes, on avait incarné dans un personnage tout ce qu'il y a de plus vil dans l'humanité. C'est assez amusant d'ailleurs de voir l'espèce de combat presque démoralisé de Barthes contre les idées de Poujade et surtout contre la façon de les évoquer, de les émettre. Alors, cette France des années 50, c'est, nous l'avons dit, la France de René Coty. Il fait un peu figure d'Arlésienne, René Coty, dans cette émission. Alors, si vous le voulez bien, Guillaume Perrault, aussitôt après cette publicité, nous allons parler un peu de lui et du régime politique de l'époque. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la France de René Coty avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Guillaume Perrault, journaliste au Figaro, maître de conférences à Sciences Po. Alors on l'a déjà évoqué à mi-mot, mais cette France de René Coty, c'est d'abord la France de la guerre d'Algérie et de l'opération de Suez, en vérité, Guillaume Perrault. Absolument. Guerre d'Algérie qui commence en 1954, fin 1954, lorsque Mendès France est président du Conseil. Les premiers appelés du contingent sont envoyés par le gouvernement d'Edgar Faure en 1955. Mm-hmm. Et ça va commencer à toucher la population intimement à partir du moment où des appelés sont envoyés dans les Aurès. C'est évidemment la grande différence avec la guerre d'Indochine qui restait une guerre lointaine et surtout une guerre de professionnels. En 56, la gauche gagne les élections législatives et le gouvernement de Guy Mollet accélère l'envoi d'appelés du contingent qui se compte désormais par centaines de milliers dans les trois départements de ce qui est alors l'Algérie française. Et la situation va peu à peu s'embourber. Autre fait notable, c'est en mars 56, ce même gouvernement de Guy Mollet demande à l'Assemblée d'approuver le fait que la police ait dessaisi de ses prérogatives en Algérie au profit de l'armée. C'est une décision du gouvernement et le projet de loi est adopté par la très grande majorité de la Chambre des députés, y compris les communistes qui votent ce projet de loi au début 56. Donc une certaine agitation quand même. Alors, faut bien oui, le mais dire. À partir de 56 seulement, c'est-à-dire que ce qui est très, très paradoxal, c'est qu'en 54-55, on sous-estime énormément la portée de ce qui se passe. Quand vous voyez les professions... C'est des événements, comme on dit. Oui, voilà. Lors de l'élection de janvier 56, c'est tout à fait périphérique comme préoccupation dans les débats. On en parle très peu de la guerre d'Algérie. C'est à partir du gouvernement Mollet qui a un sentiment d'enlisement et que les Français se demandent comment ça va finir et quand ça va finir. Toute ressemblance, etc., etc. On connaît la formule. Alors, René Coty lui-même, d'où vient-il? Qui est-il ce monsieur? Finalement, on a quelques images, on le voit toujours accueillant le général de Gaulle à l'Élysée, hein, bien entendu, au moment de la grande passation de pouvoir de 1958, mais c'est à peu près la seule image qu'il a laissée dans l'histoire. Et puis la visite d'État de la reine Elisabeth II, peut-être, en 57. Mais... Oui, c'était la mémoire est un peu injuste. En fait, c'est vraiment l'incarnation de la bourgeoisie catholique de province, frugalité, discrétion, une vie enracinée au Havre, une origine vraiment de moyenne bourgeoisie, d'ascendance paysanne, il ne faut pas remonter très haut pour la trouver, avocat de profession, engagé volontaire en 14, il aurait pu y couper, il était réformé, il s'est engagé volontaire. Il suit le cursus honorum classique de l'élu, il devient député dans les années 20, sénateur dans les années 30, il est ministre une fois, en 47-48, ministre de la Reconstruction, et c'est le président qu'on n'attendait pas, puisque en décembre 53, députés et sénateurs se réunissent à Versailles pour élire le président de la République et les parlementaires sont incapables de se mettre d'accord sur un nom. Ils votent 10 fois et ça dure une semaine. Et donc c'est un spectacle qui finit par devenir assez ridicule, un peu inquiétant pour le pays puisque la télé est là. Tous les jours on dit alors est-ce que le président est élu? Et non, il n'est toujours pas élu. C'est une élection qui n'en finit pas, c'est comme un conclave interminable. Exactement. Et au 13e tour de scrutin, les leaders de la droite et du centre se mettent d'accord sur le nom de René Coty, qui dira avec beaucoup d'humour, car c'est un homme très modeste, j'ai été élu parce que j'ai eu la prostate et que j'ai été opéré de la prostate pendant un débat très passionné de l'époque qui était celui sur la communauté européenne de défense. La CED. La CED. Grand échec. Voilà, la question qui agitait les esprits, c'est pour éviter le réarmement de l'Allemagne, est-ce qu'il faut créer une armée européenne? Alors, voilà. Les Français s'étaient vraiment étripés à l'époque autour de ce sujet. Et comme lui, il avait été opéré, il n'avait pas fait partie du débat. Donc exactement. Du coup, il n'avait pas trop d'ennemis à la Chambre. Exactement, exactement. Et comme il était modeste et qui savait que ça faisait sourire ses interlocuteurs. Il aimait rappeler cette anecdote. Il est assez sympathique comme personnage. Il n'a pas la truculence ni la personnalité d'un Vincent Auriol. Non, c'est vrai, mais il ne cherche pas du tout à assurer sa publicité auprès des journalistes. C'est peut-être pour ça qu'il est tombé dans l'oubli. C'est-à-dire que lorsqu'il est mécontent d'un président du Conseil, il ne décroche pas son téléphone en disant à un journaliste connu, cher ami, venez prendre un verre avec moi, je vais vous dire du mal de mon président du Conseil. Il trouve que ce n'est pas convenable. Donc, ses états d'âme, s'il en a, ses critiques, s'il en a, il les garde pour son journal. Et c'est une source précieuse. Son journal intime. Son journal intime. C'est une source précieuse. On sait par exemple qu'il était contre l'intervention franco-britannique à Suez. À Suez. Il faut en dire un mot de cette expédition de Suez qui a été un événement très important de alors, ce septennat. Été 56. Qui n'a pas été un septennat de ce mandat, devrais-je dire. Été 56, le colonel Nasser, le maître de l'Égypte à l'époque, annonce la nationalisation de la compagnie du canal de Suez, qui était le symbole de l'ingérence des Britanniques et des Français sur les affaires intérieures de l'Égypte. Il a un éclat de rire lorsqu'il s'adresse à la foule à Alexandrie, qu'il annonce cette nouvelle, et c'est perçu comme une provocation par Londres et Paris qui décident une opération militaire commune avec les Israéliens dans le plus grand secret. Et finalement, sous la pression conjointe de Moscou et de Washington, Anthony Eden, le premier ministre britannique, et Guy Mollet, son homologue français, sont obligés de flancher alors que les parachutistes franco-britanniques sont en train de se battre. Les objectifs, ils ont sauté sur le canal de Suez en octobre-novembre 56. Les objectifs militaires sont atteints, mais politiquement, c'est un désastre. Et ça prouve la légèreté avec laquelle les deux gouvernements s'étaient engagés dans cette affaire, car aussi incroyable que cela paraisse, sur un malentendu, sur une conversation pas très claire, ils avaient cru que le président des États-Unis, Eisenhower, fermerait les yeux sur leur intervention. Et en fait, il était scandalisé et il a tout fait pour que ça les Russes et les Américains et les Soviétiques ne voulaient pas entendre parler de cette affaire. C'était revenir finalement à un condominium franco-britannique et ça, il n'en était pas question de la part des deux super grands, bien sûr. On est dans ces années 50 sur fond de guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Là, nous parlons évidemment, nous avons évoqué évoquer, nous en font une sorte de radiographie de la société française des années 50, mais tout ça se passe sur fond d'une véritable guerre entre l'Union soviétique et l'Amérique. Absolument, Staline meurt en 53, date importante s'il en est. Dien Bien Phu, c'est en 54. L'insurrection hongroise à Budapest, réprimée dans le sang, c'est l'automne 56, parce que les soviétiques profitent du fait que les franco-britanniques sont empêtrés à Suez. Ça détourne l'attention de l'opinion internationale. Ils en profitent pour écraser l'insurrection hongroise. Donc, en effet, Franck, la guerre froide bat son plein. J'ajoute que le Parti communiste français, c'est 25% des voix à l'époque. C'est considérable. 25% des voix pour le Parti communiste, 11% pour Pierre Poujade et les Poujadistes, ça fait 36... Ça fait plus d'un tiers des Français qui voilà. sont contre le régime, déjà. C'est ça. Alors, De Gaulle, à cette époque, il n'est plus une menace pour le régime, parce qu'il a lâché... Sa traversée du désert. Exactement. Là. Il est à Colombey, le RPF a échoué politiquement, et il est en train d'écrire les mémoires de guerre. Le premier volume sort en 54. On va y venir à De Gaulle, bien entendu, dans un instant. Un mot avant cela, de cet événement d'une importance absolument capitale, mais qui à l'époque est passé quand même en largement inaperçu, c'est la signature du traité de Rome en 1957. C'est la conséquence directe de l'échec de Suez. C'est ça. Humilié par l'intervention de Moscou et de Washington, Guy Mollet dit il faut absolument accélérer la construction européenne. Il y avait déjà eu des traités antérieurs. Il y avait eu la communauté européenne du charbon et de l'acier, oui, en l'ACK, particulier, oui. au début des années 50. Il veut aller plus loin. Et la communauté économique européenne, le traité qui la fonde, c'est-à-dire le choix du libre-échange, le fait qu'on tourne le dos aux colonies, finalement, on anticipe sur la décolonisation de l'Afrique noire qui va avoir lieu entre 58 et 60, eh bien c'est un choix fondamental. Il est fait en mars 57 et c'est le gouvernement de Guy Mollet qui est à la manœuvre. Alors la situation dégénère en Algérie, les gaullistes vont tirer les marrons du feu en quelque sorte, et là l'attitude de René Coty est assez extraordinaire à vrai dire, inattendue, oui. disons-le. Oui, c'est un mois de mai 58 cauchemardesque, puisqu'il n'y a plus d'autorité vraiment légale et légitime en Algérie, et les Français et les Parisiens en particulier se réveillent tous les matins en se demandant si les parachutistes ne vont pas sauter sur l'Elysée, ne vont pas sauter sur Matignon. C'est pris très au sérieux. René Coty propose à Pflimlin, le président du conseil de l'époque, de regrouper les pouvoirs publics autour de l'Elysée dans un camp retranché. La perspective est étudiée tout à fait sérieusement. Et finalement, après deux semaines de manœuvres de Gaulle et devant l'incapacité des partis politiques à s'unir pour proposer une alternative à De Gaulle, René Coty adresse un message au Parlement et il annonce qu'il a décidé de faire appel au plus illustre des Français. Donc tout le monde comprend qu'il a appelé le général de Gaulle à Matignon. Donc le dernier président du Conseil de la 4e République, c'est le général de Gaulle, qui va élaborer une nouvelle constitution. Et qui on se fait avoir parfois en réponse, c'est plus voilà. Féminin, mais non, c'était... Voilà. Et René Coty reste à l'Élysée jusqu'en janvier 59. Alors René Coty, dans cette affaire, a fait confiance pleinement au général de Gaulle et on a l'impression que cette confiance a été déçue d'une certaine façon. Oui, peu avant de mourir à l'automne 62, il dira « Si j'avais écrit mes mémoires, je les aurais appelées mes erreurs. » Mes erreurs parce que, comme beaucoup d'hommes politiques de sa génération, il voulait bien renforcer l'exécutif, mais dans le cadre d'un régime qui resterait parlementaire, où la souveraineté serait représentée par les députés et non pas par le président de la République. Donc élire le président au suffrage universel direct, pour lui, c'était inadmissible, c'était le retour à Napoléon III, au coup d'État du 2 décembre et au pouvoir personnel. Alors c'est la fin du mandat de René Coty est vraiment très particulière, hein, puisque c'est le général de tout le monde ne regarde que le général de Gaulle. Lui s'éclipse littéralement, sortir sur la pointe des pieds. C'est Julien qui nous dit par un message via Facebook « J'aime beaucoup cette phrase prononcée par de Gaulle lors de l'éloge funèbre de Coty. C'est une phrase de Jean de la Bruyère. La modestie est au mérite, ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne force et relief. » C'est à double tranchant. Double tranchant. Il ne faut pas oublier qu'avant ce propos méprisant que De Gaulle a pendant les obsèques nationales, puisqu'en fait il écrase de son mépris Coty sous couvert de lui rendre hommage, c'est aussi un homme dont il a eu besoin, un homme qu'il a toujours ménagé dans les années 50 pendant sa traversée du désert. Il lui a adressé un exemplaire dédicacé, un des premiers des mémoires de guerre en 54. Juste après l'exemplaire adressé au pape, après l'exemplaire adressé au comte de Paris, et avant l'exemplaire adressé à Élisabeth II. Oui, donc c'est un homme politique qui parle là. dans ce que ça peut avoir de dureté et de cruauté. C'est vrai, en tout cas, que la citation est très belle. Cette France des années 50, finalement, je disais qu'elle avait ouvert la voie à celle qui est la nôtre aujourd'hui. On a presque envie de dire qu'elle est aussi profondément différente, presque point par point. Tout a changé, tout s'est inversé d'une certaine façon. C'est très, très différent, notre pays d'aujourd'hui avec celui d'il y a 60 ans. Oui, bah, il est certain qu'on n'a pas la même connivence, la même proximité avec l'histoire de France. On est un pays qui doute, un pays qui aussi doit affronter des défis qui nous paraissent insurmontables. Donc on a une impression, justifiée ou non, de déclin. Il est certain que ça nourrit la nostalgie pour les années 50, dont le maître mot est, nous l'avons vu, l'optimisme et la confiance en soi. Merci infiniment Guillaume Perrault. C'était limpide tout ce que vous nous dites, aussi limpide que votre ouvrage chez First, Les présidents de la République pour les nuls. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Aux origines, c'est votre nouveau rendez-vous, Franck, et aujourd'hui vous nous expliquez les origines de la photographie amateur. Et oui, alors je ne vais pas vous raconter la photographie elle-même, vous savez qu'elle a été inventée dans la première moitié du 19e siècle. Au milieu des années 1850 apparaît l'appareil de photo petit format qui va quand même permettre de populariser le goût de se faire photographier, de figurer peu à peu sur les murs du salon ou dans un album de famille. Mais il faut attendre la fin du 19e siècle pour voir les appareils photo se simplifier, toucher un plus large public. Alors on parle beaucoup ces temps-ci, et c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet. On parle beaucoup de la faillite de Kodak, vous savez, qui est le grand événement de l'actualité économique aux États-Unis en ce moment. Eh bien, la démocratisation de la photo, elle commence à toucher des classes très larges de la population au moment de la fameuse révolution Kodak en 1888 avec le fameux slogan « You press the button, we do the rest ». Vous appuyez sur le bouton et nous, on se charge du reste. George Eastman met le premier appareil photo simple d'utilisation entre les mains des consommateurs avec un film souple. C'est plus les plaques qu'il fallait transporter avant, c'était très compliqué. Là, d'un seul coup, vous avez un film qui tourne sur lui-même. C'est tellement plus facile et grâce à cette initiative, on peut dire que ce qui était jusqu'ici réservé à des professionnels, eh bien, devient quasiment l'apanage de tout le monde. On se met à pouvoir faire des photos de loisirs, comme on dit. C'est-à-dire qu'on emmène des appareils photos qui sont quand même encore un tout petit peu volumineux. On les emmène en voyage, on fait des photos de voyage, etc. En 1898, Kodak commercialise l'appareil photo de poche pliant. Alors là, le fameux Kodak, vous savez qu'on repliait là, avec son soufflet. Il utilise un négatif de format 57 sur 82 mm qui va rester pendant des décennies la norme, hein, ce sera le format standard de la photo. À partir de là, on peut dire que la photo va se développer. Alors quand même, il faut attendre après la Première Guerre mondiale pour voir la pratique se généraliser. C'est dans les années 30 évidemment qu'on se met à faire vraiment beaucoup de photographies. Mais la photo de masse, si je puis dire, d'abord il y a longtemps des photos noir et blanc et puis les photos couleurs, et la photo de masse, c'est les années 50 dont on parlait avec Guillaume Perrault à l'instant. C'est-à-dire qu'avant la milieu-fin des années 50, on fait encore relativement peu de photos en famille. Alors, peu à peu, à mesure que les événements s'y prêtent, les grandes réunions de famille, etc., on fait des photos. Puis, il y a un événement intéressant, une évolution intéressante, c'est le nombre d'enfants pris en photo. Au début, les photos concernent les adultes à 80%. Et puis, petit à petit, on va voir les enfants envahir littéralement les albums de photos. Aujourd'hui, on n'a même plus d'albums de photos, puisque, évidemment, avec la photo numérique, tout ça est diffusé, ça se retrouve sur les écrans des ordinateurs, etc. Je vais pas vous raconter comment ça se passe, mais vous voyez qu'en fait, cette explosion que nous vivons en ce moment, elle est relativement récente. J'en profite pour vous préciser que le compte Instagram d'Au cœur de l'histoire a été récemment ouvert.